Oh, entouré, je me sens si seul, mon gros. J'ai beaucoup monde dans le viseur. Oh, j'aime ton poitrine qui gueule. J'suis mal, après tout c'est ceux qui veulent. À pâle, personne qui vend tout qui pleuve. Tiens, banque, tu laisses ton pote quand tu pleures. Oh, je traîne avec ma bande. Oh, tranquille, on remonte la pente. Oh, le but c'est de faire péter les vents. Je trace ma route, je suis seul. Qui a de la peine quand tu pleures? Quand tu pleures. Que le vent m'emporte vers les îles. Que le vent m'emporte vers les îles. On veut tout ce qu'on désire. On veut tout ce qu'on désire. Je trace ma route, je suis seul. Je trace ma route, je suis seul. Qui a de la peine quand tu pleures? Tes amis potos, t'as dit c'est ton frère que la mise potos. Ennemi, ennemi, ennemi, je sais que de là-haut. Mais bon, tu entends ce qu'on dit, bravo. Tant que tu me rappelles, on m'a dit bravo. Bravo. Schmitt, rock, la routine s'éternise. J'frode quand j'bois toute la nuit. J'love ce qui me suivent depuis des années. Schmitt, rock, la routine s'éternise. J'frode quand j'bois toute la nuit. J'love ce qui me suivent depuis des années. Je trace ma route, je suis seul. Qui a de la peine quand tu pleures? Que le vent m'emporte vers les îles. On veut tout ce qu'on désire.